Yeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah. C'est ton cœur, j'ai touché, toi tu perds la raison. J'ai gagné, donc suis-moi, je t'emmène à la maison. J'ai aimé, je t'ai donné des frissons. Faut que tu nies, mais tu le sais, j'ai que moi qui t'aide. J'ai son show, baby, chante la cité. Et mon petit secret, ton plat, j'ai pas cité. Viens ici, arrête de te faire désirer. J'avoue, c'est ton corps qui m'a matrixé. Wow. Let's go. Là, regarde, il y a tout pour toi. Me dis pas non, non, me dis pas non. Là, regarde, il y a tout pour toi. Me dis pas non. Let's go. Baby, j'ai des projets pour nous. À moi faudra t'accrocher. Elle m'a dit j'ai trop donné, c'est mort. Non, moi je suis pas ton plan B. Non, je suis pas ton plan B. Non, non, non, j'ai tout pour toi. Me dis pas non, non, me dis pas, me dis pas non. Non, non, j'ai tout pour moi. Me dis pas non, me dis pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Est-ce que je t'aime? Je sais même plus. Pas comme les autres, sans toi je me sens perdu. Dis-moi quelque chose pour toi que je n'ai toujours pas fait. J'ai tout fait pour toi, mais et toi tu dis que je suis mauvais. Je t'avoue je t'ai grave pisté. Tu me laissais en vue, mais bon j'ai insisté. Tu repars pas sans moi. Ton pied, mon pied, on est bien comme ça. Me dis pas non, me dis pas non. Let's go.